de la pastille. On vient prendre la place du chromie. J'avalerai pas la pastille. Sont où les crimes que t'as commis? Comme Guillaume Tell, je viens tout niquer comme promis. Sortez les guillotines, y'a pas de quiproquo que des compromis. Quand je rappe les chrysanthèmes, remplace les sorties. Nique son père le thème, je suis vénère, je kiffe que du sorti. Martin attend mon tour comme un détenu sa sortie. C'est le son des dégradés, des crânes chauves comme Philippe Corti. On veut plus de sous-sol ni de sous-sale. On a fait tourner la clé de sol, les MC choc comme des Miss Roussos. J'arrive en secret comme un stup, reprendre le contrôle des studs. C'est pas mes 68, c'est pire, c'est moi en 2008. Je débarque quand je vole pour Real City. Venu tout péter, t'écoutes ma zik, tu manges le même doigt. Titi. Impossible, c'est pas français, moi aussi. Ils paieront tous la même chose, y'aura pas de tarif dégressif. J'arrive en masse, marche à Max 9. Depuis que mon rap tombe dans les caisses, y'a plus de potes volés dans les tests. C'est le rap de 1789. Touche tes fesses ici, j'suis pas connu, mais déjà on me déteste. J'arrive en masse, marche à Max 9. Depuis que mon rap tombe dans les caisses, y'a plus de potes volés dans les tests. C'est le rap de 1789. Touche tes fesses ici, j'suis pas connu, mais déjà on me déteste. J'arrive les poches vides, les gros les couilles pleines. Visage sans postiche, négro écoute bien. Pour faire deux, j'en tue un. Avec toi, ça fera trois pour le 4-4. Cayenne, Week 5, lyrics de la cave. Pour une fille simple, ou charbonne la gare. J'suis pas un saint, un 3 sur la plaque. On te bang bang, les couilles sur la table. La main sur le flingue, ambiance macabre. Agent ou sous-bringue, tout pour la caille. Braquage, arnaque, surveille ta carte. Les chacals sont là, négro et rap ça. En avant pour la chasse, y'a pas de fin l'achat. Que des mecs fâchés, argent propre ou sale. On va pas cracher, Al-Qaïd, né dans une tranchée. Le vrai pouvoir se donne pas, lui j'viens l'arracher. J'arrive en masse, marche à Max 9. Depuis que mon rap tombe dans les caisses, y'a plus de potes volés dans les tests. C'est le rap de 1789, bouge tes fesses ici, j'suis pas connu, mais déjà on me déteste. J'arrive en masse, marche à Max 9. Depuis que mon rap tombe dans les caisses, y'a plus de potes volés dans les tests. C'est le rap de 1789, bouge tes fesses ici, j'suis pas connu, mais déjà on me déteste. Al-Qaïd, Hex 1395.